Et prends-toi pas la tête. J'en ai pas escrète et j'fais pas la fête. Et puis fais pas la bête, non, non. J'suis dans la zone ou dans le gamos allemand. Et elle fait plus l'appel bizarrement. Elle sait que j'suis cassé mais elle dit que j'suis charmant. Et j'ai changé apparemment. Elle me dit que j'suis pas prêt pour l'amour. Elle veut plus m'appeler mi amor ni bébé. Et faut pas t'inquiéter, si y'a plus j'fais TP. C'est que j'suis grave équipé, attends j'm'en vais clipper. Fallait jamais m'aimer, non fallait jamais m'aimer. Maintenant que j'ai deux bébés, j'vais toujours assumer. J'suis cramé dans les boys. Si je prends 10 piges à la barre, avec toi je me suis ouvert, pourtant je suis dur à la base. Personne n'y va jouer, je lui éclaterai sa face. T'étais plutôt méfiante, j'ai cassé la carapace. Mon cœur est à la cage, j'ai niqué 10 000 à la passe. Je suis venu en écho, je suis reparti en première classe. Tu sais que je suis refait, y'en a trop qui veulent ta place. Ils t'ont jeté, c'est moi qui te ramasse. Quand t'as des galères, tu peux compter sur moi. Si je t'ai fait du mal, ma belle, faut que tu surmontes. J'ai voulu les aider, ils ont fait les sournois. On a fait le combat à deux, ils étaient en surnom. J'suis cramé dans les...